Vieux clébard, valotte, valotte, wow. Mais même sans copine, on s'est mettait en sa sique ou caille pour en cocaïne. Valotte, valotte, moi même sans copine, on s'est mettait en sa sique ou caille pour en copine. T'as pas le genre de bouc, garage, des pétales, assis, pas pétette, un caille pour en pot de cale. Pour chaud, en chaud, pas de glaçon, ouais, ça brutal. Le tête, pas si l'on voit, c'est fou qui radical. Valotte, valotte, moi même sans copine, ça va mettre tes copines. Les plus coquines, un tout pao. Un tout wow, bon t'as pas si pesao. Consigné c'est pas pao. Un tout pao, un tout wow, bon t'as pas si pesao. Consigné c'est pas pao. A ce qui paraît c'est coup de cala qui tout. C'est coup de cala qui tout. But I hope for you baby, that you fucking good. I hope your pussy sweet, I hope you sucking good. Cause you look like somebody that need plenty. Is that the woman like? Dog life, dog life, dog life. That's what they like. That is what they wanted, that is what they like. Dog life. Vieux chien, vieux chien, vieux kebab. Un chat du well attend, c'est vieux chien, vieux kebab. Dog life, dog life, dog life. That's what they like. That is what they wanted, that is what they like. Dog life. Vieux chien, vieux chien, vieux kebab. Un chat du well attend, c'est vieux chien, vieux kebab. Dog life, dog life, dog life. That is what the woman wonder, what they like.